Premièrement, c'est pour les miens, les doigts d'une main présent entièrement, qui voit nos liens derrière demain. Dans le bien, dans le doute, coûte que coûte, chemin faisant. Toute période, même sous les voûtes, quand parler est apaisant, se taisant. Savant lire mon côté taciturne, aux antipodes, face au vent, devant mes grands délires nocturnes. Ceux qui réconfortent sont peu, m'offrant leur temps, quand nos codes n'ont rien de pompeux. Franc l'un pour l'autre et partant, mais je cogite pourtant. Sous le zodiaque, je m'agite tambour battant, car souvent paranoïaque. Qui m'aidera un jour, qui remédiera à mes brèches, me dira ce que je cherche et me maudira pour toujours. Car ensuite il y a l'envers, les parjures et les traîtres traînent près de mon être et prennent la fuite quand c'est sévère. On se jure, plein d'espoir, inséparable la vie, mais pour une misérable histoire, on chavire capable d'injures. Et le navire coule, te décrire le paysage, c'est te dire que beaucoup roucoulent quand de détresse c'est le message. Les heures s'accélèrent, la douleur vire à la rancœur, les alliés s'écroulent, ça m'écœure sous le stress d'une nouvelle ère. Au fond, des milliers de questions bien acérés, car combien de poignées serrées vont humilier tes ambitions, lacérées par l'incertitude. Ma feuille et ma parade dans l'écueil des turpitudes, mes excuses aux vrais camarades. Vraies liaisons et lésions, vraies liaisons et lésions, une cargaison d'indécision, cargaison d'indécision. Vraies liaisons et lésions, vraies liaisons et lésions, quand nos oraisons sont illusions, nos oraisons sont illusions. Vraies liaisons et lésions, vraies liaisons et lésions, quand les saisons prouvent nos divisions, les saisons prouvent nos divisions. Vraies liaisons et lésions, vraies liaisons et lésions, tourne ma raison en dérision, tourne ma raison en dérision. Couple les secondes, dois-je aimer à l'avenir? Grouper des souvenirs me met parfois hors de mes gonds. J'admets les torts, jeune et faible, impossible de quitter les miens. Il est plausible que j'étais faible, égoïste pour rien, soliste dans mon équité. Dans le refus des sentiments, par l'amour je fus acquitté. C'était un châtiment, un sourire renverse nos principes bien nativement. Puis le tout s'inverse et on s'émancipe gentiment. Le bâtiment se démantèle, que des décombres à offrir. Et c'est à elle que l'on s'attelle, sans encombrer, sans souffrir. Mais l'on se détache, plein de tares et vice versa. Ce qui fait tâche, tôt ou tard se dispersera. Vieux routard ou novice, on rêve de combler le vide sans trêve, avant que le lit vide d'emblée sur nos traits ne sévisse. Aucun attrait pour ces catins, si fut-il qu'elles crèvent dans leurs draps de satin. En inertie et inutile, les viscères endurcis par les tacles et les dégâts. Mes gammes et renégats, sont-ils sincères, ces merci. Obstacle au temps qui sue, ma personne est confuse. Le temps se trace à notre insu et quand l'heure sonne, on s'y refuse. À la brasse sans perche ou debout sur le macadam, c'est un bout d'âme, un goût de grâce que l'on recherche. Un zeste de dévouement, d'engouement, d'inclinaison. Du reste, une combinaison qui deviendrait un dénouement. Vraies liaisons et lésions, vraies liaisons et lésions, une cargaison d'indécision, cargaison d'indécision. Vraies liaisons et lésions, vraies liaisons et lésions, quand nos oraisons sont illusions, nos oraisons sont illusions. Vraies liaisons et lésions, vraies liaisons et lésions, quand les saisons prouvent nos divisions, les saisons prouvent nos divisions. Vraies liaisons et lésions, vraies liaisons et lésions, tourne ma raison en dérision, tourne ma raison en dérision, tourne ma raison. Seulement quelques lésions.